Donc, je suis encore content d'être avec vous. Ça fait pas un mois que je suis ici, ça fait juste 3 semaines presque que je suis venu. Et c'est bien parce que je suis un peu pépère, fait que j'essaie de venir avant les neiges, avant la neige. Donc, vous m'avez engagé pour 6 fois, donc ça va faire 6 fois à la fin d'octobre. Donc, j'ai dit, je veux pas venir en novembre, c'est des risques de neige ici en novembre, fait que j'aime mieux finir avant. Donc, je vous amène la salutation des chrétiens d'en bas, du sud, et il y a des gens qui prient avec vous, des gens qui prient pour vous, et on est content de faire équipe avec vous dans l'œuvre que vous accomplissez ici pour le Seigneur. Et ce matin, nous allons continuer, je sais pas, peut-être la dernière ce matin, pas sûr, on va voir comment ça va aller. Et si on a le temps, on va terminer cette série d'études sur être rempli de l'Esprit. J'aimerais qu'on puisse commencer par un mot de prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, comme on n'est pas conscient, toujours conscient du fonctionnement de certains organes dans notre corps, nous ne sommes pas toujours conscients de l'œuvre que l'Esprit Saint accomplit en nous et par nous. Mais même si on n'est pas conscient, nous croyons ce que tu as dit, toi. Nous croyons que ce que tu as dit par rapport à son œuvre, par rapport à ce qu'il va faire, ce qu'il fait. Et ce matin, nous voulons nous arrêter encore une fois et essayer de bien comprendre l'œuvre de l'Esprit dans ton Église. Parce que je crois que si nous la comprenons bien et plus, nous allons t'adorer mieux, te louer mieux, te glorifier mieux. Donc, guide-nous par cet Esprit Saint que tu as mis en nous, et nous te prions au nom de Jésus. Amen. La première chose, quand on parle de l'œuvre de l'Esprit, avant, je vous encourage à faire cela, je crois que vous l'avez déjà fait aussi, avant de regarder l'œuvre de la personne, il est bon de connaître la personne. Et quand je lis des fois des livres sur l'Esprit Saint, on a des différences de compréhension de l'œuvre de l'Esprit Saint parce qu'on a des différences de compréhension de l'Esprit Saint. Donc, il faut bien comprendre qui il est, lui, ce personnage-là, cette personne divine-là qu'on croit, nous, cette personne-là qui est égale à Dieu, qui comme Dieu, qui est divin comme Dieu, qui est un avec Dieu, qui pense comme Dieu, qui a les mêmes buts que Dieu. C'est important parce qu'il n'y a pas de contradiction entre l'œuvre de l'Esprit et l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de contradiction entre l'œuvre de l'Esprit et l'œuvre à la croix faite par Jésus-Christ. Donc, c'est important qu'on comprenne qui il est, lui, en tant que personne. Et ensuite, il est important de comprendre l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Il s'est envenu sur la terre, on a vu ça ensemble les premières fois. Il s'est envenu sur la terre, il était envoyé par le Père, des fois c'est par le Fils, ça dépend du texte qu'on lit, mais il est envoyé par Dieu sur la terre avec une œuvre à accomplir. Si je vous demandais ce matin, écrivez-moi une page de 8.5 par 11 sur l'œuvre que l'Esprit Saint a été mandaté par Dieu de faire, qu'est-ce que vous écririez? Est-ce qu'on aurait tout le même contenu sur notre feuille? Peut-être pas. Et si vous allez dans différentes églises, vous allez voir que ça va être différent d'une église à l'autre, même si on est tous des églises chrétiennes, on ne voit pas toute l'œuvre. Et cette œuvre-là, que lui a été mandaté par le Père et par le Fils à accomplir, il va l'accomplir. Il va le faire, cette œuvre-là. Elle ne dépend pas de nous. Elle est faite en nous et elle est faite par nous. Mais c'est, si je comprends bien l'œuvre que lui a à accomplir, ça va automatiquement m'aider à comprendre ce qu'il est en train de faire dans l'Église, dans mes frères et sœurs, en moi-même. Je vais mieux comprendre son œuvre. Et c'est intéressant de penser un peu comme cela. Quelle mission avait-il? Si je vous demandais d'écrire, Jésus est venu sur la terre avec une mission à accomplir, qu'est-ce que vous écririez sur votre feuille? Ça, c'est plus facile, on pense. On dit, ah, oui, je me semble que je comprends mieux. Il est venu, il a pris un corps, il est devenu un homme, il a fait des choses sur la terre, il avait un but de sauver le monde. On a une compréhension de cette œuvre-là. Mais il est bon de savoir, si je vous lançais, qu'est-ce que le Père avait dit que dans l'Ancien Testament, que le Saint-Esprit ferait quand il viendrait sur la terre. Si je vous enverrais, là, je dis, prends ton Ancien Testament, dis-moi, qu'est-ce que l'Esprit, les prophéties que le Père a faites sur la venue du Saint-Esprit. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça, de comprendre ça. Parce que Jésus a dit, dans Acte 2, avant que l'Église commence, avant, elle commence dans Acte 2, mais dans Acte 1, il dit, ne partez pas de Jérusalem avant que la promesse que Dieu avait faite dans l'Ancien Testament s'accomplisse. Donc, il y avait en bon québécois, un paquet de promesses de faites dans l'Ancien Testament par Dieu sur l'œuvre de l'Esprit dans le croyant, dans l'Église. Et des fois, on manque un petit peu parce qu'on ne le sait pas. Fait qu'on arrive dans le Nouveau Testament, puis on voudrait... comment je dirais bien ça? Des fois, le croyant veut donner de la job au Saint-Esprit. Veut dire au Saint-Esprit quoi faire et comment le faire. C'est pas tout à fait de même que ça marche. Lui est arrivé avec une œuvre à accomplir. Et c'est très important que vous le saisissiez cela. L'œuvre que l'Esprit-Saint a commencée en vous, lorsqu'il vous a régénéré, il va l'amener à la perfection. Des fois, Paul va dire dans Colossiens, ce que Dieu a commencé en vous, il va l'accomplir, il va l'amener à la perfection. Et je pourrais dire la même chose avec le Saint-Esprit. L'œuvre que le Saint-Esprit a commencé en vous, il va l'amener à la perfection aussi. La première chose qu'on a vue, là, je suis encore dans un résumé un petit peu pour qu'on arrive à la même place ce matin ensemble. La première chose qu'on a vue, c'est l'œuvre de l'Esprit est une œuvre souveraine. C'est une œuvre souveraine. C'est lui qui a décidé qu'il ferait cela. C'est le Père qui a décidé qu'il vous baptiserait d'Esprit Saint ou dans l'Esprit Saint. C'est le Père qui a décidé comment ça se passerait, quand ça se passerait. Patrick, je cherchais dans sa caméra. Quand Patrick a parlé ce matin que c'est Jésus qui est venu au puits, il a décidé souverainement, il est venu au puits pour rencontrer cette femme-là. Dieu a décidé souverainement qu'il mettrait, lui-même le dit dans l'Ancien Testament, je mettrai mon esprit dans votre cœur. C'est lui qui a décidé ça. C'est un acte souverain de Dieu. Dans l'éternité, il a décidé qu'il ferait cela. C'est souverain. Et c'est souverainement qu'il nous remplit de sa présence. Être rempli de l'Esprit, ce n'est rien d'autre que d'être habité d'une personne qu'on appelle l'Esprit Saint. C'est ça, ça veut dire être rempli de l'Esprit. Tu ne peux pas être baptisé de l'Esprit sans être rempli de l'Esprit, et si tu es rempli de l'Esprit, ça ne peut pas arriver sans être baptisé de l'Esprit. Les deux vont de pair. Un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas dire, je suis baptisé de l'Esprit, mais je ne suis pas rempli de l'Esprit. Ça n'existe pas dans les Écritures, ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Quelqu'un qui est baptisé est rempli. Et si tu me dis, je suis rempli du Saint-Esprit, je vais conclure dans ma tête, ah, c'est parce que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Il ne faut pas dissocier ça de la personne. Être rempli de l'Esprit, ce n'est pas une puissance, là. Ce n'est pas une espèce d'énergie spirituelle que j'ai quand je suis rempli du Saint-Esprit. C'est une personne qui vient habiter en moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Corinthiens, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'habitation sur l'Esprit. Ailleurs, c'est l'habitation de Dieu, en tout cas, c'est d'autres expressions, mais pour l'Esprit Saint, c'est vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Donc, vous êtes une bâtisse charnelle, d'os et de chair, dans lequel le Saint-Esprit vient habiter, cette personne-là, et c'est un acte souverain de Dieu. C'est être baptisé ou être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi souverain qu'on croit que Dieu est souverain dans notre salut. C'est Dieu qui a décidé d'écrire vos noms dans le livre de la vie avant la fondation du monde, selon Éphésiens. On a vu ça ensemble. Il a décidé souverainement d'écrire votre nom. Mais quand il a décidé d'écrire votre nom, était inclus là-dedans le baptême du Saint-Esprit, être rempli d'Esprit et tout le restant. C'est sa décision souveraine. On a vu ça ensemble dans les mois passés. On a étudié aussi ensemble qu'est-ce que ça veut dire être rempli. Quand je suis rempli, ça veut dire que je suis contrôlé par une personne. Si je pourrais inviter, regardez ailleurs, Martin à venir habiter en moi, j'avais plus de problème avec mon ordinateur. Il m'aiderait avec mon ordinateur. Lui, en venant habiter en moi, il vient avec ses capacités, il vient avec ses talents, avec sa connaissance, il vient habiter en moi. Donc, quelqu'un pourrait dire, mais François, mais Sam, tu n'étais pas si bon que ça dans l'ordinateur. Ah, ben c'est depuis que Martin habite en moi, j'ai moins de difficultés avec mon ordinateur. Mais quand l'Esprit Saint vient habiter en moi et qu'il me remplit de sa présence, vous allez percevoir en moi qu'il y a quelqu'un qui habite maintenant en moi. Je me souviens toujours quand je me suis converti, j'arrive chez mes parents et mon père, après quelques temps, j'étais avec chez nous, mon père m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Il y a un mois, puis aujourd'hui, tu n'es pas le même gars. Il voyait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Ah, j'ai dit, ah, c'est simple. Maintenant, Dieu habite en moi. Je n'ai pas dit Saint-Esprit, à ce moment-là, je n'étais pas vraiment conscient de tout ça. Mais il dit, Dieu habite en moi. Il dit, mais voyons donc, si ça se peut, ça, cette affaire-là. Mais quand n'importe qui d'entre vous, si vous venez habiter dans quelqu'un, ça va changer la personne dans laquelle vous allez habiter. Et quand l'Esprit de Dieu vient habiter en moi, il y a des choses qui se passent en moi, je ne suis plus jamais la même personne. Je ne suis plus jamais la même personne. Et la grande nouvelle, c'est quand il vient habiter en moi, il prend résidence en moi pour toujours. Il n'en sortira plus jamais. Jamais. Peu importe ce qui se passe autour de moi ou en moi, il ne sortira jamais. Jésus a dit ça, il a promis ça dans Jean chapitre 14, il habitera éternellement en vous. Quelle belle déclaration de la part de Jésus. C'est souverainement qu'il a fait cette décision-là. Il dit, quand je vais mettre mon esprit en toi, ça va être pour toujours. Elle ne va jamais s'en aller. Donc, être rempli de l'esprit, ça veut dire être contrôlé par cette personne-là qui habite en moi. Cette personne-là qui habite en moi va me diriger, va me contrôler, va me instruire, va me faire comprendre des choses. Elle va me parler, entre guillemets. Dans mon être intérieur, elle va me parler à mon esprit. Pour m'emmener à servir, adorer Dieu. Je lisais ce matin dans l'Évangile de Jean, chapitre 16. Il dit, mon esprit va venir habiter. C'est Jésus qui dit ça aux disciples. Mon esprit, je vais envoyer mon esprit habiter en vous. Et vous allez. Il n'a pas dit, peut-être vous allez. Il dit, vous allez me glorifier. C'est une déclaration formelle de la part de Dieu. Vous allez me glorifier quand je vais venir habiter en vous. Parce qu'il sait, lui. Il sait que l'Esprit Saint va prendre contrôle de moi. Il va prendre contrôle de ma vie. Moi, ce qui s'appelle le gros, là, québécois, l'homme le plus fort dans le monde, là, un des hommes les plus forts au monde, là, Hugo Gérard. Si lui vient habiter en moi, je suis certain qu'il va prendre le contrôle. Pourquoi? Il est bien plus fort que moi. C'est certain qu'il va prendre le contrôle. S'il vient chez nous dans la maison, là, le mec qui dit François, ferme la porte, je vais la fermer. Parce qu'il est plus gros que moi, il est plus fort que moi. Et quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans un être humain, il prend contrôle de cette personne-là. Il prend le contrôle. Ça, c'est l'autre chose qu'on a vu. La troisième chose qu'on a vue, être rempli de l'Esprit, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce. Je n'ai pas mérité ça. Je n'ai pas mérité d'être sauvé. Vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai pas mérité d'être baptisé sur l'Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Et je n'ai pas mérité d'être rempli d'Esprit non plus. C'est l'œuvre de Dieu, de sa grâce souveraine. Il fait ça dans chacun de ses enfants. Chacun de ses enfants a reçu la même personne. Personne sur l'Esprit. Avec la même intensité, la même... Je n'ai pas plus d'Esprit que Richard. Je n'ai pas plus d'Esprit que Thérèse. C'est parce que c'est une personne. Si je mettrais de la puissance, là je dirais, ah, peut-être qu'il y en a plus que moi de puissance, lui. Mais je n'ai pas plus de personne. C'est le Saint-Esprit, il est là ou il n'est pas là. Il vient habiter en moi, cette personne-là. Donc, c'est une grâce de la part de Dieu. Donc, si c'est une grâce, Paul dit, ça ne peut pas être une œuvre. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Je ne peux pas dire, si Dieu m'a fait la grâce de me donner son Saint-Esprit et de venir habiter en moi, puis en même temps, je dis, ah ben là, il faut que je fasse des choses pour que... Là, ça peut pas, c'est contradictoire. Mais c'est une grâce. Donc, je ne peux pas, par mes bonnes actions ou par mes mauvaises actions, je ne peux pas, on va voir ça tout à l'heure, je ne peux pas changer ça parce que c'est par grâce qu'il habite en moi. C'est par grâce qu'il habite en moi. Et ce matin, on va continuer. Comment est-ce que je peux savoir si je suis habité du Saint-Esprit? Comment est-ce que je peux savoir? Vous avez peut-être toutes sortes de belles idées, c'est beau. Je vais vous partager les miennes. J'ai le privilège, je suis là matin, je suis payé pour être là, donc je vais vous partager les miennes. Il y en a, ça ne sera pas exhaustif, ça veut dire que je ne vais pas tout vous dire, mais je vais vous en donner, par la grâce de Dieu, quelques-unes qui sont, selon moi, faciles à voir, à comprendre. Comment est-ce que je peux savoir si le Saint-Esprit est en moi? Certains mouvements religieux, d'autres, ils vont dire, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas automatiquement parler en langue. Si c'est ça, là, j'ai de la misère à m'identifier à ça, parce que moi, je ne parle pas, fait que je dis, oups, si c'est ça, la preuve, je dis, oups, je suis un peu en déséquilibre, j'arrive pas, parce, vu que je ne parle pas en langue, j'avais de la misère à dire, ah, ben, si c'est ça, si c'est obligatoirement ça, ben, moi, je ne pas, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, le Saint-Esprit. Si c'est ça, je ne l'ai pas. D'autres chrétiens vont me dire l'Esprit rend témoignage à mon esprit, donc je sais qu'il est là. C'est pas facile à voir, ça. C'est pas facile à vérifier, ça. Et je connais des gens, vous connaissez des gens, qui ont dit pendant des années ces choses-là, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, tout d'un coup, c'est plus là. Tu dis, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je pourrais être rempli de l'Esprit ou être baptisé de l'Esprit pendant 15 ans puis plus l'être pendant un autre 15 ans? Il y a quelque chose qui ne marche pas là, quelque part. Comment est-ce que je peux savoir si l'Esprit Saint habite en moi? Comment est-ce que je peux savoir ça? Qu'est-ce que la Bible me dit? Quels sont les effets? Quels sont les effets? Ce matin, j'étais dans la maison chez Luc et Carole, puis il faisait chaud. J'étais bien. Mais si je regardais par la fenêtre, mais j'ai répété dehors, je disais, il a fait froid cette nuit. Il a fait pourquoi? Je regardais sur mon auto, puis il y avait de la gelée. Je ne voyais pas l'intérieur du char. Sans avoir été à l'extérieur, je pouvais voir qu'il avait fait froid. Comment est-ce que je peux voir chez Murray s'il est rempli de l'Esprit Saint? Comment Murray pourrait avoir sur moi, François Nolet est rempli de l'Esprit Saint? Quand les apôtres ont dit à l'Assemblée, choisissez-vous 16 hommes qui sont remplis d'Esprit. Comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir ça? Ils ont-ils été au hasard? Ils ont-ils tiré plus les fesses? Comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver 16 hommes dans l'Église qui étaient remplis de l'Esprit? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que je peux savoir ça? Qu'est-ce que je peux regarder pour voir, est-ce qu'il l'est, lui? Est-ce qu'elle, elle l'est? Je crois qu'il y a des façons de voir ça. Là, je veux pas nous rendre infaillibles, je vais décider moi qui, là. Mais je vais voir sur la personne l'œuvre de l'Esprit qui est en toi. Il y a des œuvres que lui fait en toi que je vais voir, moi, de l'extérieur. Des fois, chez les chrétiens, on a spiritualisé. Personne ne peut savoir ce qui se passe en moi. Personne ne peut savoir. T'as l'homme rire, il dit, je tends la main. Je dis, non, je ne te donne pas la main. J'ai conclu qu'il y avait la grippe ou quelque chose. Mais si je vivrais avec lui, même s'il ne me le dirait pas, peut-être que je verrais le nez qui coule, les ternements. Je verrais des petites choses. Là, je dirais, oh, je pense que Marie a la grippe, je ne l'approcherai pas. Il y a des... Quand l'Esprit Saint habite dans quelqu'un, c'est impossible que je vois rien. C'est impossible que ça soit caché à un point tel que je peux vivre avec là, puis pendant 30 ans, j'ai rien vu de ça. C'est impossible. C'est impossible. Pas selon les Écritures. Je vais voir quelque chose qui va se passer dans cette personne-là. Quelles sont ces choses-là qui se passent dans le croyant quand il est rempli de l'Esprit? Je vais vous lire ce que nommé L.S. Schaeffer a dit, lui. Il y a un homme, un paquet, un homme 7. Il dit, vous allez voir le fruit de l'Esprit. Il dit ça. Vous allez voir l'exercice des dons. Vous allez voir qu'il est enseigné par l'Esprit. Vous allez voir qu'il va louer Dieu. Vous allez voir qu'il est conduit par l'Esprit Saint. Vous allez voir qu'il va intercéder par l'Esprit Saint. Et lui, il dit toutes ces choses-là. Donc, ça va beaucoup. Et un autre monsieur qui s'appelle Donald Guthrie, lui a dit ceci. Je ne vous dis pas, je suis tout d'accord avec ça, je peux juste vous dire ce qu'ils ont dit, les autres. Là. Okay? Il dit, nous allons faire mourir les actions du corps. Nous allons faire mourir les actions du corps. C'est un peu spécial. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-tu arrêter de manger? Mon corps mange? Vas-tu arrêter de marcher? Qu'est-ce que tu veux dire par faire mourir les actions du corps? Pas évident de saisir de même. Donc, je crois que ce qu'il veut dire, c'est faire mourir le mal qui est en moi. C'est ça qu'il veut dire? Il prend ça dans Romains 8, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, chair, corps, il aime ça ensemble. Faire mourir les actions de la chair ou faire mourir les actions du corps. Puis ça, j'ai de la misère à d'être sûr, parce que chez les chrétiens, c'est pas toujours présent, ça. Les chrétiens sont encore pécheurs, donc comment je vais faire? T'as-tu fait mourir l'orgueil en toi, Luc? Ah, j'ai peut-être réussi hier. Aujourd'hui, c'est pas sûr. Ah, t'as pas fait mourir les actions du corps. C'est pas toujours évident de comprendre cela, de voir cela. Il dit aussi, nous allons être conduits par l'Esprit. Des fois, il y a deux chrétiens qui disent qu'ils sont conduits, mais ils partent dans des chemins différents. Là, t'as de la misère à savoir lequel qui est conduit. Il dit, nous allons avoir la puissance pour vivre la vie chrétienne. Donc, il dit, je vais voir chez toi la puissance de l'Esprit Saint. Et on connaît les versets qui parlent de ça. Hein? Jésus a dit, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Donc, c'était un verset. Puis, M. Guthrie, là, il dit aussi, nous allons produire le fruit de l'Esprit. Qui peut me nommer le fruit de l'Esprit? L'amour, la paix, la joie. La patience? Non. Mon pardon n'est pas là. La bonté, oui. Douceur n'est pas là. La bénignité et la fidélité. Est-ce que je vois ça tout le temps? Si je vous regarde, je vois tout ça tout le temps chez vous? Pas évident. Hein? Pas évident. Si vous venez d'une certaine période de ma vie, vous allez dire, oh boy, c'est pas toujours facile, je suis une alerte. C'est pas toujours évident de voir ça. Mais je crois que le fruit de l'Esprit est là, en nous. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder quatre choses qui, selon moi, c'est plus facile à comprendre, plus facile à voir chez moi et chez les croyants pour voir si je suis rempli de l'Esprit. Une des choses qu'on voit dans les Écritures, chez les hommes qui ont été là au temps de Jésus, dans les Évangiles et dans les Actes des Apôtres, avez-vous déjà remarqué la différence entre la capacité des apôtres, je vais prendre les apôtres comme témoin, comme exemple, la capacité qu'ils ont de comprendre les Écritures avant la Pentecôte, puis après la Pentecôte. Avez-vous déjà remarqué que quand Jésus leur parle avant la Pentecôte, pendant qu'il était avec eux autres, ils comprennent combien? Zéro, ou à peu près zéro. Ils ne comprennent pas ce que Jésus leur dit. À un point tel que Jésus est obligé de dire à Pierre un jour, un moment donné, éloigne-toi de moi, Satan, tu comprends rien ce qui se passe, je m'en vais mourir à la croix, tu veux pas que j'y aille? Qu'est-ce que tu comprends, toi, là? Pas seulement, j'ai rajouté des mots, là. Hein? Mais il est en train de dire à Pierre, hey Pierre, t'as pas compris tout ce que je t'ai dit encore? C'est trois fois que je te dis que je m'en vais à Jérusalem pour mourir, puis qu'ils vont me faire mourir, puis que je vais ressusciter le troisième jour. T'as pas encore compris ça? Tu dis encore, à Dieu ne plaise, tu ne mourras point? Qu'est-ce que t'as compris de ce que je t'ai dit? Puis à tout bout de chaîne, vous vous souvenez quand que les disciples qui ont suivi Jésus, Jésus est mort, puis les disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qu'ils disent? On pensait que c'était lui. On pensait que c'était lui qui était le Messie. Mais il est mort. On ne comprend plus rien. Jésus vient, et il souffle sur eux, ou il leur parle, et là, ils comprennent. À quelques reprises, Jésus va dire, il souffla sur eux, et là, ils comprennent un petit peu. Là, on dirait qu'il fait ça revient, ils comprennent plus rien. Mais au coup, un petit peu plus tard, ils comprennent. Du coup, ils comprennent plus. Mais quand la Pentecôte arrive, au moment où le Saint-Esprit vient sur eux autres, hop, Pierre il dit, ainsi s'accomplit les prophéties de Joël. Hop, là, ils comprennent. Aussitôt que le Saint-Esprit est venu sur eux autres, il a commencé à expliquer les prophéties de l'Ancien Testament, parce qu'il connaissait, il avait été élevé juif, il savait les prophéties. Mais il n'était pas venu comprendre, il ne voyait pas le lien avec le Messie, il ne voyait pas le lien. Mais tout d'un coup, que le Saint-Esprit en lui, il commence à comprendre ce qu'il avait appris depuis sa jeunesse, des vérités bibliques qu'il connaissait dans sa tête, mais il en comprend le sens spirituel. Celui que l'Esprit de Dieu en lui va comprendre des vérités bibliques qu'il est impossible de comprendre sans l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dit, « Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur sans l'Esprit de Dieu. » Si ce matin, vous dites, « Jésus, c'est le Seigneur du monde », c'est parce que l'Esprit de Dieu est en vous et il vous fait dire ça. Si vous êtes capable de dire ce matin avec Patrick et avec le restant de l'Assemblée, Jésus, c'est le sauveur du monde, c'est parce que l'Esprit Saint est en vous. Sans ça, vous ne diriez pas. Vous feriez comme tous les autres. Il y en a 99% à l'extérieur de la bâtisse qui ne disent pas ça. Pourquoi qu'ils ne disent pas? Parce qu'ils sont moins brillants que vous autres? Parce qu'ils ont un IQ moins haut que vous autres? Parce qu'ils ont été à l'école moins longtemps que vous autres? Parce qu'ils n'ont pas été élevés dans une famille chrétienne? Non. Parce qu'il y en a qui ont été élevés des familles chrétiennes qui ne le disent pas non plus. Et mes enfants, moi, qui ne sont pas capables de dire ça, même si pendant 20 ans, je les ai répétés quasiment tous les jours que Jésus était le Seigneur du monde, puis était le Sauveur du monde, puis encore aujourd'hui, ils disent non. C'est pas vrai. Ils ne sont pas capables de dire honnêtement, Jésus, c'est le Seigneur du monde, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, et c'est Dieu fait chair. Vous n'êtes pas capables de comprendre les Écritures sans l'Esprit de Dieu. Si vous avez compris l'Évangile et que vous pouvez dire, expliquer l'Évangile de Dieu, c'est parce que l'Esprit Saint habite en vous. C'est une preuve que l'Esprit Saint habite en vous. Si tu n'es pas capable ce matin de m'expliquer c'est quoi l'Évangile, je vais douter fortement que tu aies l'Esprit Saint en toi. Parce que l'Esprit Saint, c'est lui qui nous fait comprendre les Écritures. Et je vais demander à Daniel de mettre de 1 Corinthiens 2. J'aimerais qu'on puisse le lire un petit peu. Vous allez voir qu'un Corinthiens 2, dans tout le chapitre, c'est l'explication que Paul donne. Nul ne peut connaître les choses de Dieu. si ce n'est que l'Esprit de Dieu. On va lire ça ensemble. Je vous encourage, ceux qui aimeraient lire, d'en lire deux versets, puis quelqu'un d'autre prend le relais, puis on va lire le chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni les chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, plus de tout, il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée du Christ. Donc l'apôtre Paul ici déclare à l'église de Corinthe que c'est par l'Esprit de Dieu que ça se passe. Il dit, ça n'est pas monté au cœur de l'homme, ça ne vient pas du cœur de votre intérieur, ces choses-là. Ça a été révélé par Dieu. Ça, si vous les comprenez, c'est vous les comprenez par l'Esprit de Dieu. La semaine passée, j'étais avec un groupe de mes frères et sœurs dans la chaire, on était déjeuner ensemble, et on jasait de toutes sortes de choses, et à un moment donné, j'ai intervenu dans la conversation d'une façon spirituelle. J'ai dit, mais est-ce que vous ne croyez pas que l'être humain est plus que physique? Est-ce que l'être humain n'est pas aussi spirituel? On n'est pas juste physique, on est aussi spirituel. On est psychique aussi en même temps. On a un esprit, on a un âme. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous croyez ça? Puis je parlais comme je suis allé parler des extraterrestres à quelque part. Et là, quand on a fini de déjeuner, je ne vous dirai pas tout ce qui était dit, mais après que j'ai fini, je m'en allais chez nous, dans mon auto, puis je disais, Seigneur, je te rends grâce, que j'ai compris. Je te rends grâce. J'étais comme eux avant. J'étais assis à la même table qu'eux, je ne voyais pas plus clair qu'eux autres, j'étais aussi aveugle qu'eux autres, je te rends grâce que tu m'as ouvert les yeux, tu m'as fait comprendre par ton Esprit Saint. C'est en ça que je serai dans l'ignorance totale encore. C'est pas par la capacité humaine qu'on comprend ces choses-là. C'est pas parce que vous avez voulu que vous avez compris ces choses-là. C'est parce qu'il vous les a révélées et vous les avez acceptées. Vous avez dit oui, oui Seigneur, oui je crois à ça. Oui j'accepte ça. Parce que lui a travaillé dans votre cœur et vous avez dit oui. Quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures, je ne dis pas qu'il va tout comprendre la même soir qu'il s'est converti. Quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures, c'est une preuve qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est une preuve que l'Esprit n'habite pas en lui. Donc ça commence là. Ça commence là. Si tu es rempli de l'Esprit, à quelque part, Il faut qu'au moins tu comprennes la base qui est par rapport à Jésus-Christ, par rapport au salut, par rapport à la venue de ce sauveur-là dans le monde, et qui est venu en vous, qui vous a nettoyé, purifié, lavé, pardonné, et que vous êtes, comme l'apôtre Paul va dire, pas l'apôtre Paul, mais l'apôtre Pierre, repentez-vous, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous allez recevoir cet esprit. Ça va commencer en vous, toute cette histoire-là. Quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures ou l'enseignement de la parole de Dieu ou l'Évangile, c'est tout simplement parce que l'Esprit Saint n'est pas là. Vous avez beau être le meilleur prédicateur du monde, le plus grand évangéliste du monde, vous êtes zéro pour faire comprendre à quelqu'un. Vous êtes zéro. La preuve est quoi? Ce que Jésus a prêché, l'Évangile, le bien du monde, puis ils n'ont pas compris plus. C'était le meilleur. Hein? Vous êtes d'accord avec moi, c'était le meilleur prédicateur. S'il y en avait un bon, c'était bien lui. Pourtant, les gens le regardaient. T'as le démon en toi! T'es un samaritain! Voyons, donc, vous n'avez pas compris. C'était le meilleur évangéliste qu'il n'y avait pas, c'est ça? Il vous a prêché l'évangile, il ne peut pas voir plus clair que ça. Il ne comprenait absolument rien de ce qui se passait. C'est quand l'Esprit vient en nous, tout d'un coup, je comprends. C'est l'exemple de Paul, hein, les écailles qui tombent des yeux, c'est un exemple. Là, c'est, ben mon ami, pourquoi ça j'ai pas compris avant? Ah ben, je me souviens, un homme avec qui j'amenais l'évangile, pendant un an, on allait là toutes les semaines, on allait chez eux, j'allais là, puis un vendredi, on s'en allait là, moi, puis un autre chrétien, on s'en allait là, puis lui, il nous a vu arriver par la fenêtre. Il dit à sa femme, il nous a dit ça par après, il dit à sa femme, on les met dehors aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, on fait ça longtemps qu'ils viennent ici. Nous autres, on ne sait pas, là. On cogne à la porte, on rentre, on commence à parler, ils se convertissent tous les deux. Il regarde sa femme, je dis quoi qui s'est passé, là? On voulait la mettre dehors. Mais du coup, Dieu a enlevé les écailles, Dieu a enlevé les vents, ce qui cachait la vérité, et cet esprit les a fait comprendre, ils se sont convertis. J'étais pas un meilleur évangéliste que la semaine d'avant. C'est ce que Dieu a décidé, qu'il ouvrait le cœur de ces gens-là par son Esprit Saint, et ils ont compris. Ça, c'est la preuve que cet esprit habite dans quelqu'un. Il a compris l'Évangile. Il a compris l'Évangile. Ça, c'est la première. Deuxième, vous allez voir, dans cette personne-là, il va commencer à louer Dieu pour ce qu'il vient de comprendre. Ça va devenir automatique. Il va commencer à louer Dieu pour ce qu'il vient de comprendre. Par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, par rapport au fait qu'il a été purifié, par rapport au fait qu'il est un enfant de Dieu maintenant, qu'il fait partie du peuple, il va commencer à louer Dieu dans sa vie, à adorer, comme le passage tout à l'heure avec la Samaritaine. Si j'ouvre tes yeux, si tu comprends que je suis le Messie, tu vas commencer à m'adorer, à me louer. Ceux qui sont nés de Dieu, qui ont l'Esprit Saint en eux, ils vont commencer à louer Dieu de ce qu'il a fait dans leur vie. Puis ils vont continuer toute leur vie chrétienne. Ils vont louer Dieu. Dieu est bon. Dieu est grand d'avoir fait ça dans ma vie. Dieu m'a sauvé dans sa grâce. C'est quelqu'un qui est toujours en train de louer quelqu'un d'autre. Ceux qui vivent une religion, les autres vont parler d'eux, de ce qu'ils ont accompli. Ils vont offrir même à Dieu leurs œuvres. Ils n'ont pas compris. L'Évangile n'est pas en nous autres. Le Saint-Esprit n'est pas là. Quand le Saint-Esprit est là, qu'est-ce qu'on fait? On offre le sacrifice de Jésus-Christ. On ne peut pas offrir autre chose. On loue Jésus. On loue Dieu. Vous n'êtes pas capable de louer le Seigneur sans avoir l'Esprit Saint. Je vous garantis que vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de le faire. Vous allez vous vanter tout le temps. Vous allez parler de vous. Vous êtes toujours en train de parler de vous. Une fois, il y avait un homme qui avec lequel on parlait du Seigneur, puis il avait dit, c'est vous la différence entre vous autres et les témoins de Jéhovah? Il dit, non, mais tu vas me le dire, j'espère. Il dit, oui, je vais te le dire. Il dit, quand vous venez ici, vous parlez toujours de quelqu'un d'autre, de Jésus. Les autres, ils parlent toujours de ce qu'on peut faire ou pas faire. Vous voyez la différence? Un parlait, il tentait de louer Dieu, de Jésus, il parle de Jésus, ce qu'il a fait. Il loue ce sauveur-là qui était en fait pour lui. Et l'autre mouvement religieux, lui, tu fais ça, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça, puis tu es capable de faire ça, puis tu vas-tu faire ça? La différence était évidente. Un loue une personne, l'autre parle de ce qu'il est capable de faire, ou ce qu'il n'est pas capable de faire, ou ce qu'il peut arriver à faire. Donc la louange fait partie de cela. Et une troisième chose qui est omniprésente dans les Actes des Apôtres, après qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit et remplis du Saint-Esprit, c'est qu'ils ont partagé leur foi avec d'autres. Moi, je crois personnellement qu'il est impossible à quelqu'un qui était baptisé du Saint-Esprit et qui est rempli du Saint-Esprit, c'est impossible pour lui de ne pas parler à d'autres de ce qu'il croit, ce qu'il pense. C'est impossible. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il va parler à d'autres. Attention, il y a millions de façons de le faire. Millions de façons de le faire. Là, commencez pas à compter le nombre de fois que je parle. Je vous dis qu'il n'est pas capable de garder ça. Dire, une fois, j'ai dit, je parlais de l'Évangile avec mon père. « Ah, mon père, j'ai toujours cru ça, François. » Il dit, « Veux-tu me dire qu'en fait, tu ne me l'as pas dit? » Enfin, tu ne me l'as pas dit. Si tu as toujours cru ça, tu es rendu à 60 ans, tu ne me l'as jamais dit. C'est parce qu'il ne comprenait pas. Tu ne peux pas vivre, mettons, avec tes enfants, puis tu es sauvé, puis tu connais le Seigneur, puis tu es plein de reconnaissance envers Dieu qui t'a sauvé, mais je ne le dirai jamais à mes enfants. Non, je n'en parle pas à mes enfants. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas vivre de même. C'est juste parce que tu n'es pas né nouveau. T'as pas le Saint-Esprit en toi, c'est impossible. Quelqu'un qui est né de nouveau, on le voit dans les Actes des Apôtres, aussitôt qu'on. Je vous parle pas de Billy Graham, là. Pas ça que je vous parle. Je parle pas de ça. Je n'ai rien contre Billy Graham, là. Mais c'est, je parle pas de ça, là. Je parle pas de la quantité de fois que tu vas le faire, puis où tu vas le faire, puis comment tu vas le faire. Je vous dis simplement, vous allez le faire. À votre manière. À votre vitesse, à votre compréhension, avec l'énergie que vous avez, avec l'âge que vous avez, vous allez en parler comme Dieu a préparé pour vous autres d'aller en parler. Mais vous allez en parler. Vous allez en parler, c'est impossible, on ne peut pas. Paul il dit, je ne peux pas retenir en moi. Hein, le psalmiste, c'est comme un feu dans moi, ça veut sortir. Des fois, moi, je suis obligé de me retenir pour ne pas parler, parce que je me dis, c'est pas le meilleur moment. Pas le meilleur moment. Toi, François, attends un petit peu. Ça veut sortir. Je veux dire, attends un peu. Prends ton temps. C'est comme ça, la vie chrétienne. C'est pas autrement que ça. C'est comme ça. Là, je suis pas en train de vous dire, si tu fais pas du porte-à-porte, tu penses que tu n'es pas rempli de Saint-Esprit. Non. C'est pour ça que je parle. Ça n'a rien à voir avec ça. Je te dis pas, si tu veux en faire, fais-en pas. Non, si tu veux en faire, fais-en. Mais c'est une façon pour toi de le faire, ta personnalité se prête à ça, t'aimes ça, vas-y, fais-le. Mais c'est pas à cause que je le fais pas que moi je suis pas rempli. C'est l'esprit. Mais, une fois, il y avait un monsieur qui dit, François, dis-moi, il dit, mais je suis pas capable de partager ma foi. Ah, j'ai dit non. J'ai dit, l'as-tu la foi d'abord? Tu l'as-tu pour toi? Ben oui, je suis sauvé. Ah, j'ai dit, comme ça, tu ne l'as jamais dit à tes enfants. Ben oui, j'ai dit, tout le temps. J'ai dit, ben voilà, tu l'as fait. Nous, on pense que faut que je le fasse d'une certaine façon pour que je sois. Non, c'est pas la façon. C'est comment tu vas le faire, toi. Tu vas le faire. Tu veux partager aux gens autour de toi qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, vous allez recevoir une puissance et vous allez être, quoi? Mes témoins. Vous allez dire aux autres ce que j'ai fait pour vous autres. Vous n'êtes même pas capable. Moi, je suis content qu'ils n'aient pas dit de méthode. Ils n'ont pas dit, ah, vous allez recevoir cet esprit, vous allez commencer à faire du porte-à-porte. Là, je suis champagné. Il faudra que j'en fasse. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Ils allaient être mes témoins. Mais il n'a pas dit où, il n'a pas dit comment, il n'a pas dit combien de fois. Il a dit, vous allez être mes témoins. Vous allez être des témoins. Il y en a qui vont le faire comme peut-être Billy Graham. D'autres vont le faire comme François. D'autres vont le faire comme lui. Jacob, c'est Jacob. Hein? Ça me prend du temps. C'est pas moi, c'est l'âge. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu reçois, tu comprends la vérité, et là, tu veux louer Dieu tout de suite, tu veux dire merci à ce Dieu-là qui t'a sauvé, qui t'a fait comprendre l'Évangile, et là, tu veux le dire à d'autres. C'est automatique, tu veux le dire à d'autres. Tu veux le partager avec ta femme et tes enfants. Moi, je me souviens, quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais dans mon auto, puis c'était un beau soir, et toi, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Et ça n'a pas pris... Je t'ai pas couché que j'ai dit à ma femme, « Hey, j'ai compris l'Évangile! J'étais sauvé! » J'ai dit, « Qu'est-ce ça? » Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu. C'est fort comme moi. Je voulais y dire. Je voulais y dire que c'est ce qui s'est passé en moi. C'est normal. Ça fait partie du fait que je suis rempli de l'esprit. Il n'y a pas besoin de prendre un cours sur l'évangélisation pour faire ça. Je n'ai pas eu besoin de me faire prêcher pour faire ça. Je n'ai pas besoin de me faire assommer pour faire ça. C'était naturel en moi. Je l'ai fait tout seul. On ne m'a pas dit, François, tu es un évangéliste. Je ne savais même pas si ça existait à ce moment-là. Mais c'est l'esprit qui pousse ça en nous pour pouvoir le dire à d'autres. Parce que Jésus a dit, l'Esprit Saint va vous pousser, il va prendre ce qui est à moi, puis il va vous le mettre en vous, puis vous allez le dire à d'autres. Vous allez le faire à d'autres. Et c'est la preuve que c'est vrai, c'est qu'on est rendu 2000 ans plus tard, puis il y a encore des chrétiens aujourd'hui. C'est parce que l'Église l'a fait. L'Église l'a fait. À travers les âges, à travers les siècles, dans toutes les villes, dans toutes les cultures du monde, les chrétiens l'ont fait. Il y a des chrétiens partout sur la terre. Il y a des millions de chrétiens partout sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent ce que c'est que Dieu a fait pour eux autres, à quelqu'un. De différentes façons. Ça peut être écrit, ça peut être chanté, ça peut être des livres, ça peut être vive voix, c'est un à 10 000, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Quand je suis rempli de l'esprit, je veux le dire aux autres. Et là, une quatrième chose qui va se produire. Quand l'Esprit Saint vous baptise et qu'il vous remplit, il vous unit. Il vous unit à Dieu, il vous unit à Jésus-Christ, et il vous unit à tous les croyants qui existent dans le monde. Vous devenez ce que la Bible appelle le corps de Christ. Un chrétien ne peut pas vivre toute seule sa vie chrétienne. C'est impossible. Combien de fois j'ai rencontré des gens qui disaient, « Ah, François, j'ai ma Bible, je suis chez nous, je suis correct. » Non, non, non, non. Ça n'existe pas dans les Écritures. Dieu, la Bible nous dit dans Actes 2, 3, 4, 5, dans ce coin-là, Dieu ajoutait à l'Église tous les jours ceux qui étaient sauvés. Là, je ne vous dis pas, vous allez être là dimanche matin, assis à 10 h à l'Église Baptiste de Val-d'Or. C'est pas ça que je parle. Mais il y a une action que l'Esprit Saint fait dans le croyant, quand il est né de nouveau, quand il est sauvé, quand il vient habiter en lui. Il l'unit à d'autres, et il y a un lien indissoluble. On peut pas l'arrêter. C'est, je suis attiré. Oh, je peux te détester à mort, Richard, mais je vais aller voir un autre chrétien pareil. J'ai peut-être des problèmes avec toi, mais je vais aller voir un autre chrétien. C'est plus fort que moi, je veux aller avec d'autres chrétiens. C'est fait partie. On peut prendre un exemple. Chez nous, à 10 pieds, 30 pieds derrière la maison, chez nous, j'ai un chêne avec des animaux. C'est des animaux qui vivent en troupeau. Si j'en prends un, puis je l'amène loin, puis je l'amène ailleurs, il va courir, puis il va chercher, il va foncer dans la clôture, il va aller rejoindre les autres. C'est sa nature, il est comme ça. Il ne peut pas vivre tout seul. Il ne peut pas. Moi, j'ai vu un bonhomme qui avait un taureau, il était 3-4 chiens plus loin que chez nous, mais il a tout défoncé la clôture, puis finalement, il s'est ramassé avec les vaches. C'était plus fort que lui, il est créé, il est né pour ça, puis il s'est rendu là. Peu importe ce qu'il y avait, je vais y aller, je ne suis pas capable de vivre tout seul ici. Un chien, c'est pareil. Prends un chien, vous êtes obligé, si vous avez des chiens chez vous, de devenir une meute pour lui. Parce qu'il n'est pas à vivre seul. Si vous lui donniez le choix entre une vraie meute de chien, puis vous, il ne parlez pas mal à la meute de chien. C'est sa nature. Il n'est pas capable de vivre tout seul. C'est sa nature. Il faut qu'il soit avec d'autres. Et le chrétien est comme ça. Il faut qu'il soit avec d'autres chrétiens. Là, je ne parle pas de quantité. Je ne parle pas de numéro, de nombre. Mais si tu n'es pas attiré par les autres chrétiens, moi je te dis, grosse question dans ma tête. Est-ce que tu es rempli de l'Esprit Saint? Est-ce que tu étais baptisé? Est-ce que tu as été uni avec le corps de Christ, oui ou non? C'est impossible qu'une main soit là sur le bord d'une fenêtre tout seul puis qu'elle vive tout seul. Impossible. La main fonctionne seulement si c'est avec le bras après l'épaule, puis l'épaule après la tête, à quelque part. Et le chrétien, quand Dieu le sauve et qu'il vient habiter en lui, cette personne-là veut être avec d'autres chrétiens, veut rencontrer d'autres chrétiens, veut parler avec d'autres chrétiens, veut jaser avec d'autres chrétiens, veut participer avec d'autres chrétiens. Selon nos dons, selon nos personnalités, selon nos talents, selon notre âge, tout ça va rentrer en ligne de compte, là. Mais il y a un désir de vouloir être avec d'autres croyants. D'autres croyants. J'étais un fervent depuis 15 ans, dire aux chrétiens, si tu viens à l'église ici et que tu penses que tu pourrais mieux servir le Seigneur ailleurs, va ailleurs. Va ailleurs. Il n'y a pas pas spirituel de rester ici juste parce que si tu penses que tu pourrais servir le Seigneur ailleurs mieux parce que c'est un autre fonctionnement, c'est une autre façon de faire, vas-y. Vas-y, ça me ferait absolument rien, ça me ferait plaisir, mais. Parce que je ne suis pas ici moi, pour garder du monde, peut-être d'avoir un numéro, peut-être d'avoir. Si on est deux de plus, ça va être mieux. Non, non. Le but, c'est que je veux d'être avec d'autres chrétiens, mais à cause de ma personnalité, à cause de mon âge, à cause de ci, à cause de ça, de mon éducation, il y a certaines affinités qui m'amènent naturellement à d'être avec un groupe. C'est un groupe. Moi, je préfère de loin, dans ma personnalité, dans ce que je suis en tant que personne, je préfère de loin être assis avec 7-8 chrétiens et jaser de la parole de Dieu qu'être de faire ce que je fais à matin. J'aime ça ce que je fais à matin. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas ça, là. Je n'allais pas dire ça à d'autres. Mais si vous me donnez le choix de m'assir avec 7-8-10 chrétiens et de jaser de la parole de Dieu ensemble, puis s'interpeller, puis jaser, puis discuter, je vais prendre ça à tous les coups. Toutes les coups. J'aime mieux ça. Parce que c'est ma personnalité qui me pousse dans cette direction. Mais je vais y aller. Je vais dire, ah, j'aime pas ça, mon église de Val d'Or, s'il y a des bains là, puis j'aime pas ça, le prédicateur. Fait que je vais rester chez nous, je vais prier. Ben non. Ben non. Si je suis un enfant de Dieu, je suis rempli de son esprit, si j'aime pas cette forme-là, je vais aller m'en chercher une autre forme. Parce que c'est plus fort que moi, je veux être avec des croyants aussi. Je veux fonctionner. Autant j'en ai besoin, c'est comme manger, ça, c'est comme respirer, j'en ai besoin. C'est pas à cause que vous êtes spirituel que ce besoin est là et là. C'est parce que vous avez été créé avec ce besoin-là. Dieu vous a créé avec ce besoin-là en vous. C'est pour ça que Jésus a prié, Père, fais qu'ils soient un. Comme nous sommes un, amassons ensemble toute cette gang-là. Ils forment un tout. Ils vont vouloir. Vivement. Certains, moi, je prends un chrétien puis je l'amène ailleurs, puis il va dans une ville. Première chose qu'il va faire, il va chercher s'il n'y a pas des chrétiens à quelque part. Il va essayer de se trouver une assemblée de chrétiens. Il va essayer de trouver à quelque part. Il va aller sur l'Internet. Il va essayer de trouver est-ce qu'il y a une église dans le coin. Ici. C'est sa nature. Il est comme ça. Il est comme ça. Autant, si tu mets un gars tout seul dans une ville, ils vont courir après les filles. Puis même inversement, une gang de filles, ils vont courir après les gars aussi. C'est naturel. C'est comme ça. On est fait de même. Et le chrétien est fait de même. Donc, comment je peux savoir si tu es rempli du Saint-Esprit? Tu vas avoir compris l'Évangile. Tu vas comprendre les Écritures. Tu vas désirer comprendre les Écritures. Tu vas vouloir avoir les Écritures. Tu vas chercher à comprendre d'autres Écritures. Après, tu as compris ça, tu vas vouloir en comprendre d'autres. Ça fait partie. C'est naturel. C'est naturel. Et ensuite, tu vas vouloir louer ce Dieu-là qui t'a sauvé de toutes sortes de façons, devant des personnes. Tu vas vouloir rendre grâce, tu vas vouloir adorer. Ça fait partie de toi. Ensuite, j'ai dit que tu vas partager cette foi-là que tu viens de recevoir, tu vas la dire à d'autres. Et tu vas vouloir te joindre à d'autres. C'est très simple, hein? On appelle ça les quatre pattes de la vie chrétienne. C'est très simple, c'est pas compliqué. Et si moi, à chaque fois que quelqu'un vient me dire, moi, là, les chrétiens, j'aime pas l'église, moi, j'aime pas ça, moi, j'aime pas l'église, j'aime pas ça, moi, je vais vivre ma vie chrétienne. Dernièrement, j'ai rencontré un couple. Non, nous, on a eu des problèmes avec les églises, à ce temps, on reste tout seul chez nous. J'ai dit, non. Peut-être, pendant que vous allez vous guérir, là, peut-être que vous allez faire un petit bout, vous allez reprendre votre souffle, vous allez laisser baisser les sentiments. Mais j'ai dit, je suis certain. Ça va être juste une question de temps, vous allez vous retrouver dans une église à quelque part. Combien d'hommes et de femmes m'ont dit, après un divorce, moi c'est fini, je ne me marierai plus. quelques temps après, c'est reparti. C'est normal, ça fait partie de la vie. On est comme ça. On est comme ça. Et finalement, on veut se rencontrer avec d'autres personnes qui sont comme nous, qui ont même la même foi que nous. Ça, c'est la preuve. Montre-moi qu'une personne qui fait ces quatre choses-là, et moi, je vais vous dire, il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Il ne peut pas faire ça s'il n'est pas rempli. Puis s'il est rempli, il va faire ces quatre choses-là. Ça fait partie de la game. C'est partie de la game. Bon, on n'aura pas fini. Au mois d'octobre, on fera la dernière. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, on te donne toute la gloire, tout l'honneur. Et c'est chacun de nous qui vivons ces quatre choses-là. On te rend grâce ce matin. On sait que ça vient de toi. On sait que ça vient de l'Esprit qui est en nous, qui nous a régénérés, qui nous a transformés, qui nous a équipés de dons, qui nous a donné le fruit de l'Esprit, qui nous a ouvert les yeux, qui nous a fait comprendre, qui nous donne la puissance. Nous ne pourrons jamais dire « c'est à cause de moi ». C'est à cause que j'ai fait ceci ou cela. Non. Un défi de l'Esprit, c'est qu'on donne toute l'honneur, toute la gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, que tu nous as donné ton Esprit. Au nom de Jésus. Amen.